Au risque d'avoir l'air de me répéter, et ce qui est le cas d'ailleurs, ce soir, One Dead Incorporated Show Réanimation, c'est une programmation extrêmement surchargée. Tellement que je crois que l'édition de ce soir se terminera que la semaine prochaine, et encore, je ne sais pas quel jour. Puisqu'il faut condenser la présentation de l'album marquant, de la nouveauté, du spécial Decapitated et possiblement même d'un autre spécial, aussi bien débuter tout de suite. Voici Réanimation, et je n'ai même pas le temps de vous dire pourquoi est-ce que c'est pire parfois d'avoir un médecin. Par contre, il est évident que vous devriez prier pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business, etc., etc., etc. Ah, d'accord, Horace, tu vas entendre du OPEF. On va en écouter. Go! On n'écoutera pas de OPEF. Maintenant, oui. We'll be right back. musique. C'est fou, 89.1. Samedi le 2 mai, Jérôme Casabon et les charmants salauds vous invitent à passer une soirée incroyable au Zénob. Au menu, chansons personnelles et cover rock de la part des charmants salauds. Pour une soirée festive, ne manquez pas Jérôme Casabon et les charmants salauds ce samedi 2 mai à votre café-bar le Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de nuances. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette dernière édition d'avril, le 28 de l'ordre de disgrâce 2015. Je suis Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Petite difficulté en ouverture d'émission. Il y avait un petit comique ici qui avait oublié de fermer le Jazzler, donc il prenait possession de tout ce qui était Ordi Studio. Quelle horreur! Mais c'est pas grave, Horace a eu sa pièce de Hopeth. Mais juste avant, on vient d'entendre la longue pièce à plusieurs mouvements de Mastodon, soit Arts Live, tiré de leur très bon album Leviathan, paru en 2004. Je dois dire que encore une fois, au risque de me répéter comme en ouverture d'émission, c'est encore mon meilleur album de cette formation jusqu'à ce jour. Et oui, nous avions une demande spéciale pour Horace, ce merveilleux, super beau petit singe. En fait, il m'avait laissé le choix de choisir une pièce de Hopeth et je lui ai joué un petit tour parce que, en fait, oui, c'était Hopeth, mais c'était une reprise de Celtic Frost, Circle of the Tyrants, pièce que l'on retrouve sous édition, avec bonus, si on veut, de leur troisième album qui a paru en 98, soit My Arms, Your Ears. Sur la version originale, on ne retrouve pas Circle of the Tyrants. Et c'est malheureux parce que c'est une excellente reprise qu'ils ont fait de cette excellente pièce aussi, je dois dire. Effectivement, ce soir, nous avons une émission très, très chargée parce que à travers les chroniques cinéma que j'ai habituellement, et j'en ai quelques-unes cette semaine en plus, je devrais en laisser tomber quelques-unes pour les conserver pour la semaine prochaine. Petite chronique musicale aussi. C'est la dernière émission du mois d'avril. Ben, en fait, c'est la dernière émission du mois, donc ça suppose l'album marquant, qui ce soir s'adresse, ben, en fait, on sera dans quelques instants, à la formation Cannibal Corpse, un spécial Decapitated sur pratiquement une quinzaine d'années. J'ai retenu certaines pièces de certains albums sur entre 2000 et 2014 précisément. Je devrais pouvoir vous présenter une pièce d'une nouveauté, une formation polonaise qui porte le titre de Infernal War. C'est paru le 17 avril dernier, donc il y a très peu de temps, c'est leur troisième album. Et si jamais j'ai le temps de le faire, et puis ce que je doute de plus en plus, eh bien j'aurai un spécial crossover pour vous. Et puis si ce n'est pas le cas, ben, je vais le reporter la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous voulez, faut faire avec le temps qu'on nous avons. Donc, sans plus attendre, Cannibal Corpse, formation qui n'est plus à présenter dans le monde du death metal, une formation qui est active depuis 1988 jusqu'à ce jour, qui vient de Buffalo, New York, de Tampa, Florida. En fait, ils sont 88 à 93, ils étaient à New York. Buffalo et New York, par la suite de 93 à aujourd'hui, ils étaient basés à Tampa, Florida. Floride, si vous préférez. C'est une formation qui donne, bien évidemment, dans un death metal. Ils font partie des pionniers de ce genre. Death metal traditionnel, je dois le dire. Leur inspiration de lyrics, de paroles sont principalement, bien entendu, influencées par le gore, le death, la torture et le cannibalisme, ainsi que les morts vivants, les zombies, si vous préférez. Ils sont sur étiquette Metal Blades depuis, je crois, toujours. Je vous parle ce soir de leur 10e album qui est paru en 2006, qui s'intitule Kill. Et ici aussi, jusqu'à présent, c'est mon album préféré de Cannibal Corpse. Ils ont des choses fort intéressantes qui sont sorties avant, qui sont sorties après. Skeletal Domain, c'est excellent. Evisceration Plague est très bon. Torture aussi. Mais Kill, pour moi, reste un album fétiche qui m'a marqué. Et de là, le titre d'album marquant. Donc, je vous propose aussi la moitié de l'album, ou à peu près, à une pièce près. Les 6 premières pièces de cet album, qui, si on veut, pourraient constituer la plage, ou pas la plage, mais la face 1 ou A de la version vinyle. On va entendre dans l'ordre The Time to Kill Is Now, Make Them Suffer, Murder Worship, Necrosadistic Warning, Five Nails Through the Neck, et Purification by Fire. Voici Cannibal Corpse tiré de Kill. Go! Memory, scores of victims lost forever.

But the scream of these owls, but the bear doesn't wait to slow. But it was it. But it was it. But it was it. But it was it. Just a joke, boy. to contest. He is immortal, our forever, and name of the throne. Embrace the torture of the soul. Better at us, if it becomes a bless our biscuits and milk. We come with every morning, bless our night. The hook is short and black discusses the fact that the bad is more acceptance. Purification blood fire. But within the torment is complete. Any rising future now obsolete. Purification blood fire. Justification is rapture. De choses geek. Sur le campus de Trois-Rivières, c'est le 99. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Du 3 mars au 3 juillet 2015, participez au concours de photos Vue d'en haut. Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez une scène en milieu aquatique, illustrant la faune, la flore, une activité humaine, la rivière Saint-Maurice, le parc national de la Mauricie ou la saison hivernale. Soumettez vos 3 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des chèques cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Parc Canada, Info Nature Mauricie, le parc de l'île Melville, la CEPAC, Domaine Le Montagnard et le Rond-Coin. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Dans une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Fou de fraîcheur. C'est fou, 89.1. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. On vient d'entendre 6 pièces tirées de l'album de 2006 de Cannibal Corpse, soit Kill. En fait, on parle de à une pièce près de la moitié de l'album. C'était l'album marquant avril 2015, oui, effectivement. On a entendu dans l'ordre, si on veut, à l'instant, Purification by Fire, Five Nails Through the Neck, Necro-Sadistic Warning, Murder Worship, Make Them Suffer, qui est ma préférée de l'album, et en ouverture, et qui est également l'ouverture de cet album, The Time to Kill is Now. Ça commence assez sec, cet album-là, je m'y attendais pas la première fois. Tout de suite, c'est paf, in your face. J'aime beaucoup cet album. Je trouve qu'il est très égal. Je trouve que la vitesse de croisière est excellente tout au long de l'album. La production est quand même assez bonne, quoique je dirais que peut-être que les plus récents est encore supérieur. Quoi qu'il en soit, ils sont quand même sur une étiquette majeure, Metal Blade, donc j'imagine que les moyens de production sont au rendez-vous. Laissez-moi vous parler quelque peu de cinéma. Parce que j'ai quand même vu quelques trucs cette semaine, depuis la semaine dernière, depuis mardi dernier, si vous préférez, qui sont assez intéressants par moment, d'autres moins, mais bon. Je vous parle d'un film qui met en vedette Michael Douglas. Michael Douglas, oui, le digne successeur de son père Kirk. Michael, c'est un bon acteur. C'est un acteur qui, aujourd'hui, est âgé de 70 ans, quand même, qui a interprété généralement des rôles de méchants, je dois dire, souvent, ou des rôles de gens pas très nets. c'est le genre de choses qu'il campe bien, doit-on dire. Je vous parle du film Beyond the Reach, qui est paru en 2014, qui est un thriller qui met en vedette Michael Douglas, bien sûr, Jeremy Irvine et Anna Mangan. Jeremy Irvine, c'est un acteur qu'on voit de plus en plus, c'est un jeune acteur. Bref, ça raconte l'histoire d'un richissime homme d'affaires qui est interprété par Douglas, bien sûr, et qui, lui, adore collectionner les trophées de chasse principalement, et lorsqu'il peut le faire, en soudoyant les autorités pour chasser une espèce qui est protégée généralement. Et dans le cas présent, il se rend pour chasser le mufflon, qui est complètement hors saison et qui plus est, d'après ce que je peux en savoir, eh bien, la chasse n'est pas permise sur tous les territoires. Bref, il soudoie les autorités et se fait attitrer un jeune guide qui l'amènera dans les sections désertiques et de montagnes désertiques où le mouflon se tient, et ça dégénère assez rapidement. On voit la vraie nature de ce personnage qui est, ma foi, très... En fait, qui est prêt à n'importe quoi pour arriver à ses fins. C'est divertissant comme film, c'est très prévisible par contre, mais je dois dire que Michael Douglas est très convaincant dans son rôle. Je lui ai accordé un 7 sur 10. C'est pas un film nécessairement que j'aurais le goût de revoir, mais c'est un film qui m'a quand même fait passer un temps agréable de cinéma, disons divertissant pour le moins. Beyond the Reach. Autre truc qui je croyais avoir une surprise, en fait, le genre de film que j'aime beaucoup. J'ai été quelque peu déçu. Je vous parle du film Redirected, qui est un film de Emilis Velvis que je ne connais pas du tout. Mais qui met en vedette Vinnie Jones. Vinnie Jones, c'est quelqu'un qu'on a vu dans des films fort intéressants de Guy Ritchie, entre autres comme Lock, Stock and Two Smoking Barrels et le film Snatch, entre autres, pour n'en nommer que celui-ci. C'est quelqu'un qui a vraiment le profil d'emploi pour jouer des truands. Et je me suis dit, en lisant le synopsis, que ça pouvait justement se rapprocher des films que Guy Ritchie fait, et qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est très original dans ce qu'il fait. C'est un film d'action criminelle à connotation comédie. Je me suis dit, ouais, ça pourrait avoir rapport avec justement Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch et ainsi de suite. Ben, en fait, oui, mais c'est une petite part limitation. Ce n'est pas mauvais, mais c'est loin de mener la surprise que ce que Guy Ritchie peut amener dans un scénario. Je lui ai donné seulement un 6 sur 10. C'était divertissant, mais effectivement, lui, je n'ai probablement plus jamais le goût de le revoir. Pas parce que c'était trop mauvais, parce que c'était pas justement suffisamment bon. Donc, Redirected, si vous avez rien d'autre à voir, c'est correct. Un truc que je vais vous parler de façon plus, je dirais, détaillée la semaine prochaine, c'est, si on veut, une forme de préquel. D'une certaine façon, Breaking Bad, l'excellente série américaine qui raconte l'histoire de ce pauvre Walter qui, bref, est atteint de cancer et décide pour mettre mettre sa famille à l'abri monétairement de produire des méthamphétamines. Bref, il rencontre un personnage dans cette série-là qui s'appelle Saul, qui est un avocat, oui, c'est un avocat, on peut le dire comme ça, mais qui est très particulier et plein de magouilles. Eh bien, je vous parle de la série qui parle de Saul, Better Call Saul, qui est la saison 1. J'ai débuté quelques épisodes et jusqu'à présent, c'est tout à fait convaincant. Notez que c'est la conception est la même que ceux de Breaking Bad. Donc, je vous en parle un peu plus en détail la semaine prochaine. Un film que j'ai vu... je ne savais pas qu'il y avait une première partie, en fait un premier film, donc j'ai vu la suite, mais je ne crois pas avoir été vraiment pénalisé d'écouter le deuxième sans voir le premier, que je m'apprête à faire éventuellement. Il s'agit du film Monster Dark Continent, qui est un film de 2014, qui est signé Tom Green, qui est un film de science-fiction, de guerre, trailer aussi à la fois. En fait, On dit que c'est 7 ans après les faits qui se sont déroulés dans Monsters, qui est le premier. Les créatures extraterrestres ont envahi la totalité de la planète. Alors que la guerre fait rage, un trio composé de Noah, soldats en mission, patati patata, et de certaines recrues expérimentées, vont découvrir le véritable ennemi qui n'est pas celui qu'ils croient. En fait, ce ne sont pas les monstres qui sont des monstres gigantesques. D'ailleurs, c'est une guerre contre des rebelles. Et je dirais que le film est assez original de ce fait parce que on nous présente un film qui porte le nom de Monsters avec sur l'affiche des monstres gigantesques et ainsi de suite qui envahissent la planète et ils ne font office que de background finalement. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que, en fait, on nous présente un film de guerre. Faut aimer bien sûr les films de guerre, mais à connotation très science-fiction, mais aussi très psychologique. J'ai beaucoup aimé le film. C'est très bien fait. C'est particulier aussi. C'est très bien joué. Moi, je vous le recommande. Est-ce que je devrais vous dire de voir le premier avant? Ben, pourquoi pas. Monsters tout court. C'est ce que je vais faire. Et peut-être que ça m'expliquera autre chose dans le deuxième, je ne sais pas. Mais moi, je vous le recommande. Je lui ai accordé quand même un 8 sur 10, ce qui est loin d'être une mauvaise note. Ça met en vedette Johnny Harris, Sam Kelly et Joe Dempsey, que je ne connais pas du tout, mais qui sont, en fait, qui ont fait un très bon jeu de rôle dans ce film. Autre chose, en fait, c'est une très mini-série puisqu'on parle de 2 épisodes qui, bon, quand même totalisent 166 minutes, donc c'est 10 épisodes de 1h20, 1h30 chacun. C'est une production des Story Channel. Il s'agit de Houdini qui met en vedette Adrien Brody. C'est un acteur qui est souvent été sous-estimé. C'est un très bon acteur. Il interprète le rôle de Harry Houdini, ce fabuleux illusionniste des années 30, puis en fait ce n'est pas son vrai nom. On débute pas mal avec le début de ses intérêts pour ce qui était la magie, puis en plus de ça de devenir plus illusionniste et de son ascension, de sa gloire, de ses hauts faits de spectacle jusqu'à la fin, si on veut. C'est vraiment excellent. C'est très, très bien fait. Excellente reconstitution. Le personnage est fort crédible. Je lui accorde une note de 9 sur 10. C'est très, très bon, Houdini. Je vous parlerai bientôt aussi de... Ben, en fait, j'ai le temps parce que compte tenu qu'à partir de la fin de l'émission de ce soir, il ne restera que 3 éditions de réanimation pour la saison régulière. J'étais en train de vous parler de la série Daredevil, une série de Marvel qui est présentée sur Netflix. Je sais que le Rockmaster l'a débuté s'il ne l'a pas terminé et a beaucoup apprécié. Donc, je suis en train de vous en parler un peu plus d'ici les dernières éditions de réanimation pour la saison régulière. Même chose que je suis en train de faire avec Bates Motel pour la saison 3. Et aussi avec la saison 2 de Salem, mais je doute fort de pouvoir tout faire ça d'ici les 3 prochaines semaines. Bref, n'oubliez pas que Avengers The Age of Ultron, c'est à la fin de la semaine que ça devient disponible au cinéma. Le film que je vous recommande de découvrir ou de revoir est un film de série B, mais de qualité. Il s'agit d'un film signé Timur Bekmambetov. Il s'agit d'Abraham Lincoln Vampire Hunter. C'est un film d'horreur à connotation vampire, vous aurez évidemment deviné, et qui met en scène le personnage avant de devenir le président des États-Unis, Abraham Lincoln, et qui mène une double vie et qui est chasseur de vampires. Et principalement, ça se passe, je dirais, avec les rebelles, bien sûr. Et il y a beaucoup de vampires aux États-Unis à cette époque-là. Donc, c'est une série B, mais c'est très cool comme film, je dois le dire. C'est vraiment très cool. C'est correctement présenté. C'est innovateur à quelque part, avec une portion d'originalité, ma foi, appréciable. Je lui accorde un 8 sur 10 à Abraham Lincoln, Vampire Hunter. C'est de 2012, relativement récent. Ça met en vedette Benjamin Walker, Dominic Cooper et Anthony Mackie. Dominic Cooper, c'est un acteur qu'on connaît, qu'on voit régulièrement maintenant. Donc, ceci étant dit, pour la chronique cinéma, j'étais tenté de le mettre de côté, mais je ne pouvais y résister. Je vous parle de ce spécial crossover. Crossover, vous savez que c'est un genre, c'est un crossover, c'est un mélange de différents genres musicaux. Ici, on parle du crossover trash, qui met en vedette, bien sûr, la portion metal trash de la musique de ce genre, mais aussi le côté hardcore punk des groupes. Le premier, semble-t-il, avoir baptisé du côté metal le style crossover sera DRI avec leur album du même nom. D'ailleurs, on va en entendre un extrait. Crossover, c'est une musique qui a fait une courte, je dirais, un court boom dans les années mi-80, qui a été apprécié, en fait, de moi, entre autres, mais de plusieurs personnes. Pour d'autres, c'était vraiment un style qui n'a pas été accrocheur. Mais moi, j'en ai encore certains bons souvenirs. Il y a quelques groupes encore que j'aime bien écouter à l'occasion. Je vous propose un bloc d'une vingtaine de minutes qui va comporter, entre autres, dans quelques instants, Total Adjustment. On va attendre Broken Bones, Lordy Cries, DRI, Crumbsucker, Agnostic Front. Et qui sait, peut-être même conclurons-nous avec COC. Bref, je vous propose à l'instant ce spécial crossover et j'espère que vous saurez l'apprécier. Bande d'incultes, go! Last, James was played. fou de sujets divers. C'est fou, 89.1. Ce vendredi 1er mai, 21h, Morgan débarque pour la première fois à Trois-Rivières, au Zénob. La formation Morgan présente un style de musique unique alliant le country et le punk, tout en flirtant avec une rythmique bluegrass sud-américaine ainsi que les Irish Drinking Songs. Pour une soirée punk agricole explosive, ne manquez pas Morgan ce vendredi 1er mai au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Fou de folk. C'est fou. 89.1. h 25, et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, le 89.1 FM. Et oui, je l'ai fait, ce spécial crossover dans lequel on a entendu des formations qui, je dois dire, qui elles sont toutes en activité encore. En fait, elles existent toutes encore. Activité peut-être modéré, je ne sais pas. Mais bref, soit qu'elles n'ont jamais arrêté ou qu'elles se sont simplement reformées. On vient d'entendre la formation Corrosion of Conformity. C'est aussi la pièce Lost Forwards. C'est la pièce d'ouverture de l'album de 85 Animosity. On sait que Corrosion, ça existe toujours. Ils sont passés par diverses versions pour revenir en date d'il y a 3 ou 4 ans, si je ne m'abuse, au trio original. Juste après, nous avions Agnostic Front et la pièce d'ouverture de cet album qui porte le nom de Cause for Alarm de 86, soit l'album, la pièce Existence of Hate. C'est pas la pièce d'ouverture, pardon. C'est paru en 86, comme je l'ai dit, sur Combat. Agnostic Front existe toujours. Je dois préciser qu'ils ne sont pas tous dans leur version originale, bien sûr. Crumbsuckers, auparavant, et la pièce Brainwashed, c'est un des exemples d'albums que j'aime encore écouter à l'occasion, qui, en fait, la production est vraiment excellente. Les pièces sont pratiquement tous bonnes, c'était très innovateur à l'époque. La pièce Brainwashed apparaît sur le premier album et le seul vrai bon album de Crumbsuckers, soit Life of Dream, paru en 86 sur Combat également. DRI, Dirty Rotten Imbeciles, existe toujours. C'était la pièce Hooked sur l'album qui porte le nom de cette bannière musicale Crossover qui est paru en 87 sous étiquette Metal Blade. Nous avions Lodi Christ qui existe encore aujourd'hui, pardon, et la pièce Game Once Played tirée de Immaculate Deception paru en 86 sur Combat. Broken Bones, formation britannique, et la pièce Best of Both Worlds. C'est tiré de l'album FOAD, paru en 87 sur Failout Records. Broken Bones existe toujours. Je crois qu'il y a que 2 membres originaux maintenant qui sont dans la formation. D'ailleurs, ce ne sont plus des jeunesses, eux non plus, parce que les 2 membres originaux ont respectivement 53 ans. Et on a ouvert le tout avec Attitude Adjustment, la pièce de Johnny, que l'on retrouve sur American Paranoia, qui est paru en 86 sur Postmart Record. Je trouve que c'est intéressant de se replonger à l'occasion dans ces moments métal qui ont fait une brève vague, mais tout de même qui en ont fait une. Je vous incite à rester sur les ondes de C'est Fou, puisqu'à 21h, c'est Matière Noire avec notre ami Alex. Aura-t-il un co-animateur ce soir? C'est à vous de le découvrir lors de l'ouverture à 21h. Et aussi ce vendredi à Rock Classic, émission animée par nul autre que le Rockmaster Alain Lefebvre et moi, son humble complice, Dr. Pendragon. Nous vous proposons cette semaine une émission qui sera remplie de variétés et de choses fort intéressantes. Non, en fait, une émission dite programmation régulière dans laquelle vous allez retrouver à peu près tous les essences du rock possible. Bien sûr, en fin d'émission aussi, nous aurons une portion plus métal. Et la semaine prochaine, nous allons vous proposer un petit spécial fort intéressant qui s'adressera à l'année 1985. Mais ça, c'est seulement le 8 mai, parce que ce vendredi, c'est la première émission du mois de mai, le premier. Et ça risque d'être fort palpitant, surtout en compagnie du Rockmaster qui ne cesse que d'avoir de bons mots pour moi présentement et je ne comprends pas vraiment pas pourquoi. La semaine prochaine, j'aurai une présentation pour vous. En fait, je dois vous dire que finalement, j'en aurai deux parce que j'aurai pas le temps de présenter ce que je voulais vous proposer ce soir, qui est Infernal War. Donc, la semaine prochaine, ce que je ferai, je vais vous proposer Infernal War et aussi une autre formation que j'ai découvert il y a très peu de temps et qui, ma foi, m'a fort plu, porte le nom de m'en faut plus, ben je l'ai oublié, c'est le fun. Unleashed, formation suédoise qui donne dans un death metal, mais death metal est fort intéressant. L'album est Down of the Nine. Je lui ai accordé une cote de 8 sur 10. Si, de, sur disque. 8 sur disque. Bon, ben c'est un jeu de mots. 8 sur 10. C'est sous étiquette Nuclear Blast. J'ai beaucoup aimé cette formation. Je vous la propose la semaine prochaine en même temps que Infernal War, que je devais vous présenter ce soir. Mais là, je tenais absolument à faire la portion et le spécial de Decapitated. Donc, comme je le disais, Decapitated, c'est un spécial que j'ai, en fait, tiré des segments sur les 14 dernières années, si on veut, formation qui existe depuis 1996. Notez qu'il n'y a qu'un seul membre original depuis 96 dans Decapitated. On sait qu'il y aura eu une mort, prématuré pour l'un des musiciens lors d'un accident de tournée. Ça n'est plus le même vocal. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une formation que j'ai toujours bien aimée, que j'aime encore tout autant aujourd'hui. Je vous propose 6 pièces de Decapitated qui sont tirées respectivement du premier album Winds of Creation, du deuxième Nihility, du quatrième Organic Hallucinosis, du cinquième album Carnival is Forever, qui est un album fort respectable, et bien sûr du dernier Blood Mantra. Donc allons-y tout de suite avec une première pièce de First Dam Decapitated. Go!

20h53, l'édition tire à sa fin. Bon, ben, j'ai eu ma réponse. Je me demandais tout à l'heure si Alex était pour avoir un co-animateur. Non, il va en avoir deux. Il va avoir deux fois plus d'emmerdement. On vient d'entendre la formation Decapitated. En fait, c'était un bloc qui est presque achevé. Il me reste une pièce consacrée à cette formation polonaise que je trouve fort intéressante au niveau du death metal. On vient d'entendre la pièce United. C'est tiré de l'album Carnivals Forever. C'était leur cinquième parution et aussi l'avant-dernier qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast. C'est vraiment un très bon album. C'est précédé par la pièce Post-Organic. C'est tiré de Organic Hallucinosis qui est la quatrième sortie de cette formation qui est paru en 2006 sur E-Rake. Spheres of Madness, c'est tiré du deuxième album de 2002, soit Nihility. C'était sur E-Rake également. On a ouvert avec The First Dam. Tiré du premier album complet studio Winds of Creation qui est paru en 2000 sur Wicked World Record. Donc, restez sur les ondes de C'est Fou parce que dans 6 minutes précisément, ou à peu près, c'est Matière Noire avec une bande de guignols ici qui... je sais pas trop ce qu'ils veulent. Là, ils me regardent bizarrement, mais en tout cas, Je suis bien de m'en aller, je pense, finalement. La semaine prochaine, je serai là. Il restera 3 émissions à la saison régulière de réanimation. Et n'oubliez pas que ce vendredi, c'est Rock Classic dès 11h en compagnie du Rockmaster et de moi-même, votre humble serviteur. On se laisse avec une dernière pièce de Decapitated, tirée du dernier album par en 2014, Blood Mantra, soit la pièce Instinct. Et n'oubliez pas cette bonne prescription de votre cher et bon docteur. Allez donc tous vous faire foutre, bande d'enfoirés. Ha ha! Go! That voice is free.